إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue qu'est-ce qu'on a commencé à expliquer dans la muhadara du Cheikh Saleh Al-Fawzan. On a commencé à expliquer hier la muhadara du Cheikh au sujet de Al-Amru bil Ma'ruf wa An-Nahyu 'anil Munkar, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et on continue donc dans ce même sujet aujourd'hui. Et juste avant de rentrer dans le sujet, dans le texte de qu'est-ce que le Cheikh explique, il y a juste une note que j'aimerais faire comme introduction, Inch'Allah. Et c'est qu'on a mentionné hier le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. On a lu le hadith qui dit, celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change par sa main. Et on a donné l'exemple du père de la famille, c'est-à-dire celui qui a une autorité dans sa maison. Et le changer le mal avec la main aussi, ça s'applique aux responsables, c'est-à-dire aux dirigeants dans les pays musulmans. Ils ont une responsabilité dans la société d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'ordonner ce que Allah a ordonné et d'interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et de faire respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement à propos de ça, il y a quelque chose de très important à comprendre, surtout en ce qui a rapport avec la aqida et le manhaj de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Parce qu'il y a des groupes d'égarements parmi les gens de Bid'a qui ont dévié dans la compréhension de ce hadith et qui ont cru que d'appeler à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants qui font de l'injustice ou qui font du mal et qui font de la désobéissance, ils croient que de se rebeller contre eux fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et les ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a ont tous clarifié, en se basant bien entendu sur les versets dans le Coran et les hadiths qui sont rapportés, et ce sont des hadiths authentiques qui sont rapportés dans Al-Bukhari et Muslim, et dans d'autres livres également, parmi les livres de la Sunna, qui clarifient clairement qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre le dirigeant musulman tant qu'il est musulman. On n'a pas le droit de se rebeller contre le dirigeant musulman tant qu'il est musulman, même s'il fait de l'injustice, même s'il fait des péchés, même s'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, tant que la désobéissance qu'il fait n'a pas atteint le degré d'un kufr majeur, alors c'est interdit pour les musulmans de prendre les armes contre lui, ou de se rebeller contre lui, ou de se révolter contre lui, ou d'appeler à cela, ou de l'insulter ouvertement, ou des choses de ce genre. Ces façons de comprendre les textes de ceux qui appellent à la rébellion et à la révolte, ou qui font des manifestations maintenant dans les pays musulmans contre les dirigeants injustes, c'est la voix des gens de Bid'a parmi les Khawarij et les Mu'tazila. Et c'est eux qui ont compris ce hadith de cette façon et qui essaient de l'expliquer de cette manière. Tandis que tous les ulama d'Ahlus Sunnah, il y a une ijma' à ce sujet-là, il y a un consensus à ce sujet-là, que c'est pas permis pour les musulmans de se révolter contre le dirigeant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ça de façon claire. Il a dit fasma' wa ati' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Fasma' wa ati'. Il a dit écoute et obéis au dirigeant, même s'il prend tes biens, même s'il frappe ton dos, écoute et obéis. Et ça, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Et il est supporté par d'autres hadiths qui ont le même sens et qui ont la même signification. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous voyez de votre dirigeant une désobéissance, hein, alors soyez patient. Hein? Et vous devez détester ce qu'il fait comme désobéissance, mais ne jamais retirer votre main de son obéissance. C'est-à-dire, vous ne devez pas rejeter le fait que c'est lui votre dirigeant et que vous êtes sous son autorité et que vous devez l'obéir dans le bien. Hein, tant qu'il n'a pas commis une forme de kufr akbar. Ça, c'est une des caractéristiques, parmi les caractéristiques du manhaj d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et ensuite, le hadith, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si on n'est pas capable de le changer par la main, par la suite, alors de le changer par la langue, c'est-à-dire, hein, de donner la nasiha, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de changer le mal avec la parole. Et si on n'est pas capable, eh bien de le changer par le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est le plus bas degré de la foi, c'est le minimum de la foi. Donc c'est pour ça que j'expliquais hier que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, lorsque tu le vois, c'est quelque chose qui est relié à ta foi. Si lorsque tu vois le mal, tu n'arrives pas à le changer, alors que tu as la capacité de le faire, alors c'est le signe que ta foi elle est faible. Et le minimum de ça, c'est dans ton cœur. Et ça, personne ne peut t'empêcher de le faire. Puisque personne n'a le contrôle sur ton cœur, hein, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de changer le mal avec le cœur, c'est de le détester. C'est de détester ce mal. Et d'avoir l'intention de le changer, si tu as la capacité de le faire. Et ainsi de suite. Donc je voulais clarifier ce point-là avant de commencer et de continuer, parce que c'est une shubha qu'on entend souvent de la part des khawarij et des gens de bid'a à notre époque, parmi les gens qui suivent ces idéologies-là et qui incitent à ces choses-là. On en a entendu un peu partout dans le monde maintenant, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans aussi. Et donc c'est important de rappeler ce fondement et ce principe parmi les principes des gens de Ahl Sunnah. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il continue, il dit, en expliquant le verset qu'on a commencé d'expliquer hier, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Le Cheikh, il dit, « Wa qad dhakara al-ulama'u fi ma'na al-aya, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ay antum khayrun nas linnas » Hein? Le Cheikh, il a expliqué que les ulama ont mentionné au sujet de ce verset, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, c'est-à-dire vous êtes les meilleures personnes, vous êtes les meilleurs hommes pour le bien des hommes. Vous êtes les meilleurs hommes pour les hommes. Hein? Il n'y a personne qui est meilleur que vous pour les gens, parce que vous appelez les gens au bien. Donc le Cheikh il dit ensuite, فليس الخير في الذي يجامل ويسكت ويرتضي الناس على ما هم عليه هذا مخذل هذا مساوم على دين الله وليس الخير في الذي يهدي للناس الأموال والأمتعة ويتركهم على المعاصي والمخالفات ليس هذا هو الخير بل هذا ربما يزيدهم شرا. Donc le Cheikh il dit, la personne qui est sur le bien et qui fait le bien, c'est pas celui qui se tait et qui agit de façon pour essayer de se faire aimer des gens. Hein, qui essaie de faire plaisir aux gens, de se faire aimer des gens, qui est gentil avec les gens pour se faire accepter d'eux, mais que lorsqu'il les voit sur le mal et en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il les laisse faire. C'est pas lui qui est sur le bien. Hein. Il dit le cheikh, celui-là c'est un lâche. Celui-là c'est quelqu'un qui veut négocier avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, qui veut faire des compromis, qui veut transiger avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a cette attitude-là parmi certains musulmans, malheureusement, qui essaient de faire plaisir aux kuffars, qui essaient de faire plaisir aux munafiqin, qui essaient de faire plaisir aux gens qui font des péchés, pour se faire aimer d'eux et pour se faire accepter d'eux, et qui ne les appellent pas au bien, et qui ne leur ordonne pas le bien et qui ne leur interdit pas le mal. Et ça, ce n'est pas la caractéristique du croyant et du mu'min. Il dit le cheikh que la personne qui aime le bien et qui fait le bien, ce n'est pas celui qui veut donner aux gens de l'argent ou des cadeaux ou des choses de ce genre, puis qu'après il les laisse dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il les laisse dans la contradiction de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit celui qui agit de cette manière-là, parfois qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'augmenter le mal dans lequel les gens sont, au lieu de les ramener vers le bien. Et donc le cheikh il dit بل هذا ربما يزيدهم شرا إنما الخير الذي يهدي للناس النصائح إنما الخير الذي يهدي للناس النصائح ويهدي لهم الإرشاد ويبين لهم طريق الصلاح والفلاح ويحذرهم من طريق الهلكة هذا هو الذي يريد الخير للعالم وقد تتحقق هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قادوا الجيوش في المشرق والمغرب وفتحوا البلاد ولم يخلدوا إلى الراحة وتنمية الأموال والتجارات واستشهد الكثير منهم في سبيل الله واستشهد الكثير منهم في سبيل الله بعيدا عن وطنه وعن بلده وعن أولاده كله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il explique, il dit la personne qui est vraiment sur le bien et qui veut vraiment le bien, c'est celui qui donne aux hommes le bon conseil, qui leur rappelle de leur responsabilité, de leur devoir envers leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui les oriente vers le bien et qui leur montre le chemin de la guidance, le chemin du bien, le chemin du succès, c'est-à-dire l'islam et le fait de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également celui qui met en garde les hommes contre le chemin qui mène vers la perte, vers la perdition et vers l'enfer. Donc celui qui veut vraiment du bien pour les hommes, ça c'est la façon dont il doit agir et ça c'est le chemin qu'il doit suivre. Et on voit que cette définition et cette signification-là, elle s'est réalisée chez les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont tout sacrifié dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dirigé les armées vers l'est et l'ouest, l'orient et l'occident, et ils ont ouvert et conquis les terres, et ils ne se sont pas juste assis chez eux pour rester dans le repos ou bien pour s'adonner uniquement au commerce et augmenter leurs biens et leur capital à faire du commerce et de l'argent seulement. Beaucoup d'entre eux sont morts, martyrs, loin de leur terre, là où ils sont nés. Ils sont partis et ils ont tout sacrifié ce qu'ils avaient. Ils sont morts loin de leur maison, loin de leurs enfants, loin de leur famille, loin de leur demeure, loin de leur argent. Tout ça pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on est ici aujourd'hui, c'est à cause, c'est une des causes de ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cause des sacrifices qu'on fait. Et ça, ça nous fait réfléchir aussi sur le fait que justement, pensez à vos ancêtres, surtout en particulier ceux d'entre vous qui êtes nés dans des familles musulmanes et qui venaient de pays musulmans, réfléchissez aux sacrifices de vos ancêtres. Parmi les salaf al-salih et ceux qui les ont suivis par la suite, les sacrifices qu'ils ont faits de leur personne, de leur argent, de leur bien, de leur sang, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la préservation de cette religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils ont ouvert des écoles, comment ils ont ouvert des mosquées, partout où ils sont allés, là où il n'y avait même pas d'islam. Il n'y avait pas d'islam dans ces pays-là au début, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Il n'y avait pas d'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les sahaba qui sont venus là-bas avec l'islam et qui ont établi l'islam. Et lorsque les hommes de ces pays-là et les femmes de ces pays-là ont cru en la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et en le tawhid, et qu'ils ont rejeté le shirk, et qu'ils ont accepté la lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien c'est là qu'ils ont défendu la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont établi cette religion-là dans leur pays. soit au nord de l'Afrique, ou bien en Afrique de l'Est, ou en Afrique de l'Ouest, ou bien en Asie, hein, partout là où l'islam est entré, ces gens-là, lorsqu'ils ont accepté l'islam, lorsque la foi de l'islam est rentrée dans leur cœur, ils ont donné de leur bien, de leur sang, de leur personne, pour préserver leur foi. Parce que la préservation de la foi, c'est la priorité. Parce que si tu perds ta foi, tu perds tout, même si tu gardes toute ta richesse et tout ton argent. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, qui doit nous faire comprendre l'importance de notre responsabilité ici. Parce que ici, on voit que d'une génération à l'autre, les musulmans commencent à s'affaiblir petit à petit. Et les générations, plus elles avancent, plus elles ont de la difficulté parfois à s'accrocher à cette religion. Et on voit, alhamdoulilah, qu'il y a maintenant du bien qui ressort. Il y a des jeunes qui reviennent à leur religion. Il y a des gens qui avaient comme langue d'origine l'arabe, mais qui l'avaient perdu. Yani, subhanallah, ce sont des arabes qui sont d'origine arabe et qui ont perdu leur langue parce que ils ont vécu et grandi dans une société où on les a coupés de leur langue d'origine. Et bien, malgré tous les efforts qu'on a fait pour essayer de les couper de leur langue, et bien, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont commencé maintenant à réapprendre leur langue. Et non pas juste pour la parler comme ça dans la rue, mais pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour comprendre la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur personne et dans leur famille. Et ça, c'est un point très important aussi, l'apprentissage de la langue arabe. Et si je parle en français aujourd'hui devant vous, hein, c'est pas parce que je veux dire que on dénigre ou on néglige l'importance de la langue arabe. C'est certain que l'arabe, c'est notre langue parce qu'on est musulman, et c'est la langue du Coran, et c'est la langue de la Sunna, et c'est la langue du ilm. Et tout, hein, toute étude sérieuse de l'islam doit être faite en arabe. Ça, il n'y a pas de doute. Sauf que c'est pas tout le monde qui peut apprendre l'arabe, et même ceux qui veulent l'apprendre et qui font l'effort de l'apprendre, ils ne peuvent pas l'apprendre du jour au lendemain. Donc d'ici à ce que ces gens-là apprennent l'arabe, il faut qu'ils aient quand même un support, une référence ou quelque chose qui leur permette d'améliorer leur connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la langue qu'ils comprennent. Et également pour être capable de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux autres qui ne sont pas, hein, arabophones, parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi les athées et les autres qui font partie de ce pays. Ils ont eux aussi besoin de connaître le message de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, il faut connaître, hein, cette langue, et connaître l'arabe, et connaître cette langue aussi pour être capable de leur faire connaître le message de l'islam dans sa réalité, avec un langage qu'ils vont comprendre. Donc on a besoin aussi de connaître la langue française si on veut faire la da'wah à des gens qui parlent français, d'une façon ou d'une autre. Et c'est uniquement pour cette raison-là qu'on est en train de faire ça. Sinon, il ne faut pas voir ça d'une autre façon. Parce que je sais que dans certains pays, hein, il y a eu des conflits, hein, et des grandes colonisations qui ont duré de longues années. Et même que en Algérie, par exemple, les Français ont interdit la langue arabe à un certain moment donné. Ils ont rendu la langue arabe interdite. Et la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est pour couper ce peuple de la relation qu'ils ont avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et pour les éloigner de leur religion. Mais encore là, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit comprendre sur le plan de l'islam, pour être capable maintenant, inshallah, maintenant qu'on a compris notre religion, de transmettre la religion, cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ces gens-là aussi maintenant. À ces gens-là qui sont non-arabes et qui ont besoin de connaître l'arabe, comme moi, qui est un haïtien, un est d'origine, qui est né au Canada, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé à l'islam. Et quand j'ai compris l'importance de l'arabe pour connaître ma religion, j'ai essayé de l'apprendre. Et je continue toujours à l'apprendre, parce que c'est la religion qui nous aide à connaître comme il faut la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pourquoi je mets de l'importance là-dessus, c'est parce que c'est très important d'apprendre la langue arabe. Même si vous n'êtes pas arabe d'origine, c'est pas grave. Si vous êtes des pays de l'Afrique, de l'Ouest, ou des pays de l'Asie ou de l'Inde ou autre. C'est une obligation pour vous d'apprendre la langue arabe. Parce que c'est la langue du Coran et de la Sunna. Hein? Ça, c'est un rappel en même temps que je fais en passant parce que c'est très important. Donc, le cheikh, il nous explique justement le sacrifice de nos salafs et comment ils ont tout laissé de côté pour établir et répandre cette religion. Et nous, aujourd'hui, si on a compris ça, et on essaie de faire juste un dixième de l'effort de ce que nos salafs ont fait pour cette religion-là, un petit sacrifice, eh bien, Inch'Allah, on va voir, biznillah, les effets positifs de ça sur la société et sur nous-mêmes aussi. Ensuite, le cheikh, il explique qu'ensuite, il dit « وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في سورة هود ما حصل في الأمم السابقة من الهلاك والدمار قال في آخر السورة فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين لشيخ الزكي الله سبحانه وتعالى المنسيان سورة هود. Après avoir mentionné tous les autres peuples qui ont précédé et qu'est-ce qui leur est arrivé comme châtiment et comme perdition pour avoir désobéi à leur messager, il dit à la fin de cette sourate, dans le verset 116, dans sourate Hud, « Si seulement il y avait eu dans les nations et dans les générations qui ont précédé des gens vertueux parmi eux qui interdisaient aux gens la corruption et le désordre. Hélas, il n'y en a eu qu'un petit nombre d'entre eux qui faisaient ça, c'est-à-dire qui interdisaient la corruption et le désordre, que nous avons sauvés. C'est-à-dire ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés, ceux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal. Et ceux qui ont fait de l'injustice et qui ont exagéré dans la luxure, dans le luxe, eh bien, ceux-là ont eu le même sort pour avoir fait de l'injustice et ils étaient des gens criminels. » Donc, le cheikh, il explique ce verset-là. Il dit, لو كان في هذه الأمم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما حلت بهم هذه العقوبات لأن وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع ضمان لها من الهلاك وفي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لهلاكها عاجلا وآجلا فما قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم إلى آخر الأمم التي قصها الله في سورة هود ما حلت بهم هذه العقوبات إلا لأنهم لم يكن فيهم من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل كلهم تمالؤوا على معصية الأنبياء وأخرجوهم وهددوهم ولم يكن فيهم من يكفهم عن هذا العدوان عند ذلك أحل الله بهم هذه العقوبات وقال الله جل وعلا في نفس السورة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلحون. Donc le cheikh il explique donc la suite de ce verset, il explique en fait que s'il y avait parmi ces nations là des gens qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal, ils n'auraient pas reçu ces châtiments-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait qu'il y ait dans la société des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, c'est quelque chose qui protège cette société-là de la perdition et des châtiments. Mais dans le fait, lorsqu'on abandonne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est ce qui fait que, hein, c'est une des causes qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre son châtiment sur ce peuple. Soit tôt ou tard. C'est-à-dire peut-être que le châtiment viendra tout de suite, ou bien c'est possible qu'il va tarder. Mais tôt ou tard, il y aura un châtiment qui va venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on regarde les exemples de ce qui est mentionné dans cette sourate, comme l'histoire du peuple de Nuh et de Ad et de Thamoud et d'Ibrahim et des autres peuples qui sont mentionnés dans la sourate, et qu'est-ce qu'ils ont reçu comme châtiment, on voit que c'est uniquement parce que il n'y avait pas parmi eux des gens qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal. Sinon, ils n'auraient pas reçu ces châtiments-là. Au contraire, on a vu que ces gens-là, ils n'ont pas ordonné le bien, ils n'ont pas interdit le mal, et ils se sont tous mis ensemble pour désobéir aux messagers et aux prophètes que Allah leur a envoyés. Et ils les ont expulsés de leur peuple et de leur nation. Ils les ont menacés. Et il n'y avait personne qui essayait de les empêcher de faire d'avoir ce comportement et cette attitude-là envers les messagers d'Allah. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux les châtiments qu'il a fait descendre sur ses peuples. Et dans la même sourate, juste après le verset 117, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala ou à ton Seigneur de faire périr un peuple pour une injustice ou par injustice ou injustement, alors que son peuple est un peuple réformateur, un peuple qui essaie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas punir un peuple si dans ce peuple, il y a des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Le Cheikh il dit, وَالْمُصْلِحُ هُوَ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَهُوَ الَّذِي يُصْلِحُ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَوُجُودُ الْمُصْلِحِينَ هَذَا ضَمَانٌ لِبَقَاءِ الْأُمَّةِ وإن كان فيها مخالفات ولكن ما دام فيها مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الأمة فإن هذا دليلا على بقائها واستمرارها وفي فقدانها وفي فقدان المصلحين دليل على قرب هلاكهم ودمارهم كما حل بالأمم السابقة وإذا جاء العذاب فلا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينجون كما نجى الله الأنبياء وأتباعهم وأهلك الأمم المكذبة لهم لما أراد الله أن يهلك هذه الأمم أنجى الله منها المصلحين وعزل المصلحين عنها وحينئذ أحل بهم الدمار قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Donc le cheikh il explique, il dit que le muslih c'est celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, parce qu'il y a le salih et il y a le muslih, les deux sont deux choses différentes. Le salih c'est la personne qui fait du bien et qui est bonne pour elle-même, mais elle ne s'occupe pas des autres. Qu'est-ce que les autres font de bien ou de mal, ça ne les regarde pas. Ils disent, oh, moi je fais le bien pour moi-même et ça me suffit. Et ça c'est, comme on va voir tout à l'heure, ceux qui sont châtiés avec les autres qui désobéissent. Mais le muslih, non seulement il est bon pour lui-même, mais il ordonne le bien aux autres et il interdit le mal aux autres. Donc il n'est pas seulement bien pour lui-même, mais il fait du bien et il appelle les autres au bien aussi. Et c'est lui qui est sauvé, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il l'explique ici. Il dit donc que celui qui est un muslih, c'est celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Il essaie de corriger et de réparer ce que les gens ont corrompu, hein, en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Et le fait qu'il y ait dans une société des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, eh bien, c'est une garantie pour que cette société-là ou cette nation-là puisse demeurer saine et sauve et qu'elle soit protégée contre le châtiment. Hein? Aujourd'hui, les gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal, souvent, ils sont catégorisés ou marginalisés dans la société. Soit par les médias ou par d'autres moyens. On essaie toujours de les faire paraître comme étant des extrémistes ou des gens qui exagèrent. Hein? Et aujourd'hui, c'est très facile d'être catégorisé ou de se faire passer pour ou de se faire accuser d'être extrémiste. Parce que les gens sont tellement loin de l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna, qu'on a perdu les points de repère. Et donc quand on parle d'extrémisme, les gens essaient de définir et de déterminer l'extrémisme selon leur propre logique ou selon leur propre norme à eux-mêmes. Qu'est-ce qui est un extrême pour eux, c'est qu'est-ce qu'eux-mêmes ont décidé. C'est eux qui décident, ça c'est extrême, ça c'est pas extrême. Mais si vous voulez savoir la vraie définition de l'extrémisme, il faut retourner au Coran et à la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a critiqué, il a blâmé, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-ghulou. Al-ghulou fi d-din, le fait d'exagérer, de transgresser la limite. Ça, c'est quelque chose qui a été condamné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi ad-din. Qu'est-ce qui a fait périr les peuples avant vous? C'est quoi? C'est l'exagération dans la religion, l'extrémisme dans la religion. Hein? Et donc, nous on dit que l'extrémisme, c'est quoi? C'est de dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit en ajoutant ou en exagérant, ou soit en faisant preuve de laxisme, hein, et en négligeant la religion. Donc, si tu veux être dans le juste milieu, et tu veux être dans la modération, tu dois suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple des sahaba, hein, et des salaf al-salih, et suivre l'islam comme eux l'ont suivi, et comprendre les textes du Coran et de la Sunna comme eux les ont compris, et non pas comme les gens aujourd'hui essaient de l'interpréter, soit dans un extrême ou dans l'autre. Hein? Donc c'est ça le juste milieu, et c'est comme ça qu'on détermine qu'est-ce qui est un extrémiste ou non. Et non pas selon qu'est-ce que les koufars ont voulu déterminer eux. Des fois vous entendez les koufars dire: ah, ceux qui disent que la femme doit se voiler, ça c'est des extrémistes. Ceux qui disent que l'homme musulman il doit porter la barbe comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux c'est des extrémistes. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit que ça c'est de l'extrémisme? Est-ce que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que ça c'est de l'extrémisme? Hein? Non, ça c'est des hommes qui ont décidé par eux-mêmes d'essayer de catégoriser les gens. Et nous, si on veut savoir qu'est-ce qui est l'extrémisme, comme j'ai dit, on retourne à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est pas de l'extrémisme. Si les sahaba l'ont fait, c'est pas de l'extrémisme. Et si c'est dans le Coran et dans la Sunna, alors c'est pas de l'extrémisme. Bien entendu, à condition qu'on le comprenne comme les salaf l'ont compris. Et qu'on suive leur exemple pour le comprendre. Et ça, c'est la protection qu'on aura, inshallah, contre le fait de tomber dans l'extrémisme ou dans le laxisme. Et ça, c'est important de bien comprendre. Donc, pour revenir à ce que le cheikh explique, il dit que lorsqu'il y a dans une société des gens qui ordonne le bien et qui interdisent le mal, ça protège cette société-là. Et même si dans la société il y a des péchés, il y a des désobéissances et des choses qui sont contraires à l'islam, c'est pas grave. C'est-à-dire que, pourquoi? C'est pas grave parce qu'il y a quand même des gens qui parlent contre ces interdictions-là qui sont pratiquées, contre ces choses qui sont mauvaises, qui sont faites dans la société. Il y a des gens qui ordonnent le bien, il y a des gens qui interdisent le mal, il y a des gens qui avertissent les gens contre eux, le péché et la désobéissance. Donc tant qu'il y a ça, ça protège les gens contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit, et c'est ce qui fait que cette société là va rester et va demeurer. Tandis que si il n'y a plus personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal, ça c'est la preuve que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la destruction est proche. Hein? Et qu'est-ce qui est tombé sur les peuples précédents? Eh bien il va tomber sur ce peuple là aussi, de la même façon. Hein? C'est pas quelque chose qu'on lit dans le Coran quand on lit les exemples de ce que Allah nous mentionne au sujet des peuples qui nous ont précédés et des messagers et des prophètes. C'était pas des contes, hein, qui sont racontés comme ça pour nous distraire. C'est pas seulement des récits comme ça pour nous, hein, divertir. Non. Ça, c'est des histoires réelles qui se sont passées réellement pour des raisons et des causes réelles. Et qui continue à se produire encore aujourd'hui lorsque les mêmes causes se produisent. C'est-à-dire lorsque les hommes s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala et désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens abandonnent l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, Allah continue à faire tomber ses châtiments sur les hommes de diverses façons. Hein? Comme les koufars, qu'est-ce qu'ils appellent? Les catastrophes naturelles. Hein, ils essaient de dire que ça c'est la nature et tout. Non, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné ces choses-là. Et c'est lui qui contrôle ces choses-là. Et qui fait tomber son châtiment sur qui il veut, quand il veut. Tout ça c'est par le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté et sa sagesse. C'est pas comme les koufars essaient de le dire. Il y a des choses naturelles qui se passent comme ça au hasard et à l'aveuglette. Hein? Nous on croit au qadar. Dans tout ce qui se passe dans cet univers, c'est écrit et programmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui se passe. Et ça fait partie de la justice d'Allah. Donc il faut comprendre, comme je dis, que ce n'est pas des choses qui sont racontées dans le Coran uniquement pour nous raconter des histoires. c'est des choses réelles pour nous donner des leçons, pour qu'on puisse suivre ces exemples-là et s'écarter des mauvais exemples qui sont mentionnés dans les histoires des peuples qui nous ont précédés. Lorsqu'ils ont abandonné l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ils ont été frappés par le châtiment. Et Allah a sauvé d'entre ces hommes-là les prophètes et ceux qui les ont suivis. Et il a fait périr tous les autres. On a l'exemple de Nuh, alayhi salam, et comment il a sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui, et que tous les autres ont été noyés. Hein? On a l'exemple du peuple de Lot, la même chose. L'exemple du peuple de Moussa, le peuple de Pharaon, hein, qui ont été noyés. Et il y a plein d'exemples comme ça qui sont mentionnés dans le Coran, comment Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les prophètes et les messagers, et comment il a fait périr les peuples qui traitaient les messagers de menteurs. Hein? Donc c'est encore la même chose aujourd'hui. Il y en a ceux qui appellent au bien et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, et ceux qui s'opposent à ceux-là. Ceux qui suivent les ulama de l'islam, les ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hein, et qui écoutent leurs paroles et qui suivent leurs enseignements et leurs exemples, et ceux qui s'opposent à ceux-là et qui appellent au mal, hein. Donc il y a plein d'exemples de ça. Et le cheikh il dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire périr un peuple, il a toujours sauvé parmi eux ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal et qui appellent à la réforme, hein. Et après ça, il fait tomber sur eux le châtiment. Il mentionne dans le verset 103 dans Surat Yunus, puis nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru. Et c'est ainsi que c'est un devoir pour nous de sauver les croyants. ولما ذكر الله قصة أصحاب السبت من اليهود سموا أصحاب السبت لأنهم كانوا يتخذون السبت عيدا لهم يتخذون السبت عيدا أسبوعيا لهم يعطلون فيه الأعمال ويتفرغون فيه للعبادة بزعمهم كما أن النصارى يتخذون يوم الأحد عيدا أسبوعيا لهم ويتفرغون للعبادة وهذه الأمة هداها الله ليوم الجمعة فجعله عيدا أسبوعيا لها وفضله على غيره من الأيام فلكل أمة يوم يتفرغون فيه للعبادة ولكن اليوم الذي شرعه الله ويحبه هو يوم الجمعة ولكن أعمى الله عنه اليهود والنصارى وأعمى عنه النصارى ووفق هذه الأمة له واختاره لهم هؤلاء هم أصحاب السبت من اليهود أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنهم وكانت في بلدهم على ساحل البحر وكانوا يصطادون الأسماك ويعيشون عليها من البحر حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت امتحانا لهم ثم سلط الحيتان صارت تأتي يوم السبت بكثرة وهم ممنوعون من صيدها شرعا فلما رأوا هذا عملوا الحيلة قالوا نحفر لها حفرا يوم السبت ونضع فيه الشباك تقع فيها يوم السبت فإذا جاء يوم الأحد أخذناها نقول نحن ما اصطدنا يوم السبت وإنما اصطدنا يوم الأحد قال الله تعالى واسأل عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني هذا من الابتلاء والامتحان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ليمتحنهم الله هل يصبرون على طاعة الله ويقدمون طاعة الله على شهواتهم أم العكس فأخفقوا في الامتحان واحتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى وحفروا لها الحفر ونصبوا لها الشباك فصارت تقع في الحفر يوم السبت ولا تستطيع الخلاص تمسكهم الشباك أو تمسكها الشباك فيتركونها يوم السبت في شباكها وفي حفرها وفي حفرها ثم إذا صار يوم الأحد أخذوها يعتبرون هذا ما يتنافى مع أمر الله سبحانه وتعالى من باب الحيلة كذلك نبلوهم يعني نختبرهم بما كانوا يفسقون. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il fait ici? Il explique en fait un exemple de des ruses hein, des juifs. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit de pêcher les poissons le jour du sabbat hein. Le jour du sabbat, ils ne devaient pas pêcher. C'est le jour qu'ils ont choisi pour s'adonner à leurs adorations. C'est leur fête hebdomadaire. Donc ils se limitent à l'adoration dans ce jour-là. De la même manière que les chrétiens ont choisi le dimanche comme journée de la semaine, qu'ils prennent comme jour de la semaine pour adorer et aller dans leur religion. Et donc, ça c'est les jours qu'ils ont choisis. Les juifs ont choisi le samedi, et les juifs ont choisi le samedi, et les chrétiens le dimanche. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé cette ummah au jour qui est le meilleur jour, c'est le jour du vendredi. Et il a fait que ce jour-là soit notre jour à nous. Et c'est le jour qu'il a agréé et qu'il aime. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé les juifs et les chrétiens du vendredi, et il nous a guidés vers ce jour-là et il l'a choisi pour nous. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire les juifs, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait fait un test, les avait mis à l'épreuve. Il leur avait interdit de pêcher le samedi. Et ils vivaient au bord d'une mer, au bord de la mer, hein, sur la côte. Et ils vivaient de la pêche. Alors, étant donné qu'ils vivaient de la pêche, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par ça. Le samedi, les poissons venaient, mais ils n'avaient pas le droit de les pêcher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé à une ruse. Ils ont dit, on va faire une ruse. On va installer on va creuser des trous, puis on va installer des filets. Donc, le samedi, quand les poissons viennent, les poissons vont tomber dans le piège. Et le lendemain, le dimanche, on va venir et on va les ramasser. Comme ça, on ne peut pas dire qu'on a pêché le samedi, hein, mais on va dire que c'est comme si on a pêché le dimanche, mais en réalité, c'est à cause des filets qu'on a placés là pour attraper les poissons le samedi, puisque le dimanche, les poissons ne venaient pas. Et donc, ça, c'est un exemple de ruse. Ils essaient de jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils essaient de ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cet exemple-là dans le Coran, dans le verset 163, dans Surat Al-A'raf. Il dit, comme exemple, et demandez au sujet de la ville ou de la cité qui était au bord de la mer, qui a transgressé le jour du sabbat, lorsque leur poisson ne venait que le jour dans lequel ils se reposaient. Et ça, c'était dans le but de les mettre à l'épreuve et de les éprouver, de les tester. Et lorsque ce n'était pas le sabbat, les poissons ne venaient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés comme ça, et ils n'ont pas été capables de patienter et d'endurer et de rester fermes sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah voulait voir est-ce qu'ils allaient mettre la précédence et la priorité sur l'obéissance d'Allah ou sur leurs désirs et leurs passions et leurs intérêts personnels. Et ils ont échoué dans cette épreuve. Et ils ont laissé, hein, ils ont mis à l'avant leurs désirs et leurs passions. Et ils ont transgressé et désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont installé ces filets pour attraper les poissons le samedi. Puis le lendemain, ils allaient les prendre et ils disaient, on n'a pas péché. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et on a fait ça pour les éprouver. Ninabluhum bimakanu. Yafsukun, parce qu'ils faisaient de la perversité et de la désobéissance. وكان هناك طائفة منهم من أهل الإيمان من المؤمنين أنكروا عليهم قالوا هذا لا يجوز هذا احتيال على ما حرم الله وطائفة أخرى من المؤمنين أيضا قالوا اتركوهم وشأنهم هؤلاء لن يقبلوا منكم اتركوهم كما قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالت الطائفة الناصحة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يقولون نحن ننصحهم وننكر عليهم من باب إبراء ذمتنا عند الله ولعلهم يتقبلون منا لا نيأس. فانقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة باشرت المعصية والعياذ بالله، وفرقة أنكرت هذه المعصية، وفرقة سكتت وقالوا لما تعذون قوما الله مهلكهم. Regardez maintenant qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Après qu'ils ont fait cette ruse pour se débarrasser de l'interdiction d'Allah, il y a un groupe parmi les croyants qui ont condamné ce que ces gens-là étaient en train de faire et qui leur a dit que ce que vous faites, ça c'est haram, ça c'est une ruse que vous êtes en train de faire pour essayer de vous détourner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et il y a un autre groupe de croyants qui ont dit, non, laissez-les faire, hein? Pourquoi vous essayez de leur donner l'exhortation ou de leur rappeler, alors que ce sont des gens qui sont des transgresseurs, hein? Ça sert à rien de leur donner le bon conseil, laissez-les. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'exemple de ça dans la parole de ces gens-là, dans le verset 164 dans Sourate Al-A'raf. Lorsque un groupe d'entre eux a dit, pourquoi vous donnez l'exhortation à un peuple que Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon va faire périr, ou bien qu'il va les châtier d'un châtiment sévère. Et le groupe d'entre eux qui était parmi les gens qui donnaient la nasiha et qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal parmi les croyants, ils ont dit, nous on leur dit et on leur interdit et on leur ordonne le bien pour avoir une excuse devant notre Seigneur au jour de la résurrection. On fait ça pour nous dégager de cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et puis en espérant aussi que peut-être ils vont craindre Allah. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Donc peut-être qu'ils vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils vont revenir au droit chemin aussi. Et s'ils ne reviennent pas, mais au moins on a fait notre devoir. Hein? Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il explique, il dit, en expliquant ce verset-là, il dit, nous, on donne uniquement la nasiha à ces gens-là, et on leur interdit uniquement pour remplir notre obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être aussi que ces gens-là vont accepter la nasiha. On ne perd pas l'espoir. Et souvent, les gens maintenant, ils ont ce problème-là. Ils donnent la nasiha à quelqu'un une fois. Ah, il ne m'a pas écouté. Je ne lui parle plus, ça y est, c'est fini. Non. La personne, elle n'a pas accepté la nasiha la première fois. Peut-être elle va accepter la deuxième. Peut-être elle va accepter la troisième. Peut-être que tu lui as dit aujourd'hui, la personne aujourd'hui, elle n'a pas été guidée. Mais peut-être que dans quelques années, on ne sait jamais, Allah subhanahu wa ta'ala va la guider. Mais il ne faut jamais perdre l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur de quelqu'un à la guidance. Il ne faut pas perdre l'espoir de donner la nasiha à quelqu'un et de penser que la personne, elle ne va pas écouter. Même si elle n'écoute pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée. Tant qu'elle est vivante, il y a toujours de l'espoir pour que cette personne accepte la vérité. Donc on ne perd pas l'espoir, et le cheikh il explique que ces gens-là donc se sont divisés en trois groupes. Le premier groupe qui ont fait le péché, le deuxième groupe qui ont dénoncé et condamné ce péché, et le troisième groupe qui se sont tus. Ils ont dit non, il ne faut pas parler, il faut les laisser ces gens-là. Ils ont dit, pourquoi vous voulez exhorter un peuple qui vont être châtiés, qui vont périr de toute façon? فَلَمَّا جَاءَ الْعَذَابُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أَخَذَ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ وَنَجَّى اللَّهُ الَّذِينَ نَصَحُوا وَأَنْكَرُوا وَسَكَتَ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُنْكِرُوا وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ هُمْ نَجَوْا أَمْ هَلَكُوا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا جاء العذاب إذا جاء العذاب ينجون وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين حولهم الله إلى قردة بعدما كانوا آدميين فصاروا قردة لأنهم لما احتالوا أمر الله جل وعلا مسخهم الله فقال كونوا قردة خاسئين. Allahu musta'an. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque le châtiment d'Allah est venu, ce châtiment-là a pris ceux qui avaient transgressé le jour du sabbat, et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ceux qui dénonçaient et donnaient la nasiha et qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal. Tandis que ceux qui n'ordonnaient pas le bien et qui interdisaient pas le mal et qui se sont tus, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné est-ce qu'ils sont parmi ceux qui sont châtiés ou non. Et il dit, en expliquant ça, le verset 165 dans Al-A'raf, et lorsque ils ont oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal. Ceux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal ont été sauvés lorsque le châtiment est venu. Puis nous avons saisi ceux qui ont fait de l'injustice par un deux châtiments, hein, pour le péché et la transgression et la perversité qu'ils faisaient. Et non, فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Lorsqu'ils ont persisté à faire ce qu'on leur avait interdit de faire, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, soyez des singes abjects. Allah subhanahu wa ta'ala les a transformés en singes parce qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient des hommes, ils ont été métamorphosés en singes par Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de la désobéissance qu'ils ont fait, à cause de la ruse qu'ils ont essayé de faire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, فقال كونوا قردة خاسئين. قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم يعني على اليهود إلى يوم القيامة بسبب هذه الجريمة وغيرها من يسومهم سوء العذاب وهكذا والحمد لله ما زال اليهود في ظل ومهانة ومهانة يسلط الله عليهم في كل وقت من ينتقم منهم إما من المؤمنين وإما من الكفار واقرأوا التاريخ ترون ما يحل باليهود من النكبات على أيدي الملوك وعلى أيدي ذوي السلطة تارة من الكفار والوثنيين وتارة من أهل الإيمان بالجهاد وكما حصل للمسلمين مع اليهود على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال النكبات تتوالى عليهم في تجمعهم الآن وهذه تهية لهلاكهم وتهية للنقمة بهم التي ينتظرونها صباح مساء وهم يعرفون هذا قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم أما الذين تابوا منهم ودخل في الإسلام تقبل الله توبته وأعظم منزلته. Donc le cheikh il explique, il dit, ça c'est qu'est-ce qui est arrivé aux juifs, hein, lorsqu'ils ont transgressé à leur époque. Allah les a fait transformer en singes. Il ne faut pas penser que ce n'est pas tous les juifs qui ont été transformés en singes. Et en même temps, ceux qui ont été transformés en singes, les ulama ont expliqué dans les livres de tafsir qu'ils n'ont pas eu de progéniture. Ceux qui ont été transformés en porcs et en singes, ils n'ont pas eu de progéniture après eux. D'accord, ça c'est un petit point important à mentionner. Parce qu'il y en a qui pensent que les juifs aujourd'hui sont des descendants de singes. Non, c'est pas ça que le Coran dit. Mais en même temps, c'est pas seulement un verset qui est révélé pour les juifs seulement. Il faut pas penser que cette histoire-là, c'est une histoire, ça s'adresse seulement pour les juifs. Cette histoire que Allah nous mentionne dans le Coran, ça s'applique aussi à nous, les musulmans, si on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et si on essaie de faire des ruses pour se faufiler à travers les règles de l'islam, pour essayer de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram et de se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une leçon pour nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم رب العالمين دعوت اتمنى الصلاة قائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعد. Puis ensuite, donc comme on a dit, c'est une leçon pour nous tous qu'on doit appliquer ces exemples si on veut pas être dans la même situation. Et avec tous les péchés qui se produisent autour de nous, que ce soit des péchés graves comme le shirk qui est le plus grave de tous les péchés, hein, et des exemples de kufr qui nous entourent, et d'autres formes de kaba'ir qui nous entourent dans nos maisons, dans nos quartiers autour de nous, il est très important pour nous de comprendre ces versets-là et d'essayer d'appeler au bien et d'interdire le mal avec sagesse, avec science, avec sagesse, avec douceur, avec compréhension, pour être capable d'arriver à faire un changement dans notre entourage, inshallah. Et le cheikh, il mentionne le verset 167 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos justement de ce qu'on a mentionné, la suite, il dit que lorsque ton Seigneur va permettre, il va faire sortir quelqu'un qui va donner à ces gens-là un dur châtiment, hein, jusqu'au jour de la résurrection. Et ton Seigneur est certes rapide en châtiment, et il est certes pardonneur et miséricordieux. Donc, il y a quelqu'un qui va venir et qui va donner à ce peuple-là un châtiment. Et c'est ainsi que, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a fait toujours tomber sur ce peuple l'humiliation, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque instant, il a fait tomber des châtiments sur eux. Soit de la part des croyants, soit de la part des kuffars. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que ce peuple a toujours été châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, par la main des kuffars ou par la main des mushrikin, et parfois par la main des mu'minin, par le djihad. Et donc, ils savent qu'il y a un châtiment qui s'en vient pour eux bientôt, ils l'attendent jour et nuit. Hein? Et donc ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis dans ce verset, le verset 167, dans surat Al-A'raf. Tandis que ceux d'entre eux qui se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont accepté l'islam, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentance et il leur a donné la plus grande récompense par la suite. Donc, ensuite, le cheikh dit « وَأَمَّا مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ فَهَذِهِ عَقِبَتُهُ وَمَصِيرُهُ » Mais celui qui a persisté dans la mécréance, eh bien, ça c'est ça. Destination, c'est la conclusion de ses œuvres, hein, ce châtiment-là. والشاهد من الآيات جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الذين ينجو ومن الذي ينجو عند نزول العذاب لا ينجو إلا الذين ينكرون المنكر أما الذين يجاملون ويسكتون وإن كانوا مؤمنين فإنهم يصيبهم ما أصاب القوم ويبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم كما جاء في الحديث يعمهم الهلاك وإن كانوا مسلمين لكن يوم القيامة يبعثهم الله على نياتهم فلا يكونون مع الكفار ولكن تصيبهم العقوبة في الدنيا مع الكفار وهكذا الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت العقوبة عامة للصالح والطالح قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Donc le cheikh il explique, il dit donc que dans ces versets là il y a l'aspect de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, qui est mentionné et qui est clair. Et lorsque le châtiment d'Allah descend, eh bien c'est seulement ceux qui interdisent le mal qui sont sauvés. Tandis que ceux qui se taisent et qui essaient de faire plaisir et de se faire aimer, de se faire accepter des gens et qui les laissent faire qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là, même s'ils sont des croyants, ils seront frappés par le même châtiment que les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, va les ressusciter selon leurs intentions. Donc c'est-à-dire qu'ils vont périr avec ceux qui vont périr, mais ils vont être ressuscités selon leurs intentions. Donc il va être châtié avec le kuffar dans cette dunya, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes des kuffars. Et au jour de la résurrection, ils seront selon leurs intentions, qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur. Et c'est ainsi donc que lorsque les gens abandonnent l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, eh bien Allah fait descendre un châtiment général sur ceux qui sont bons et sur ceux qui sont mauvais. Et ceux qui sont épargnés, c'est uniquement ceux qui font al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 25 dans sourate Al-Anfal, et craignez une fitna qui ne va pas seulement toucher ceux d'entre vous qui sont injustes. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. C'est-à-dire le châtiment, il ne va pas seulement toucher à ceux qui sont injustes. Il va aussi toucher à ceux qui sont justes et qui sont honnêtes et qui sont bons parce qu'ils n'ont pas ordonné le bien et qu'ils n'ont pas interdit le mal. Et il dit ensuite وَالَّذِينَ مَعَهُمْ إِيمَانٌ وَمَعَهُمْ دِينُهُمْ مَعَهُمْ إِيمَانٌ وَمَعَهُمْ دِينُهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَؤُلَاءِ إِذَا جَاءَتْهُمُ الْعُقُوبَةُ عَمَّتْهُمْ وَأَهْلَكَتْهُمْ مَعَ الْعُصَاةِ وَالْمُذْنِبِينَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَامَلَهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ أَمَّا أَهْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْجِيهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ سبحانه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Donc le cheikh il répète encore ce principe là et il nous fait comprendre que ceux qui ont la foi, ils ont la foi, ils ont leur religion, mais s'ils n'ordonnaient pas le bien et s'ils n'interdisaient pas le mal, ils seront frappés par le châtiment comme les autres qui ont désobéi à Allah et qui ont fait des péchés, et au jour de la résurrection ils seront ressuscités selon leur intention. Tandis que les gens qui ont ordonné le bien et qui ont interdit le mal, Allah va les sauver dans cette dunya. Et il mentionne le verset 103 dans Sourate Yunus. Puis ensuite, nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru. Et c'est un droit pour nous de sauver les croyants. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je pense que c'est l'heure de la salat. Oui? Donc on va s'arrêter si c'est le temps, puis on continuera demain Inch'Allah pour faire la suite et la dernière partie de cette explication Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à appliquer ces règles Inch'Allah. Wa fikum baraka Inch'Allah. Demain après le Maghrib Inch'Allah.